Nous sommes jeudi 5 novembre. Bonjour, madame, monsieur. Voici les grands titres de cette édition. Levée des mesures restrictives prises par l'Organisation internationale de la francophonie contre le Burundi. De nouveaux cahiers de ménage vont être introduits, a annoncé hier le maire de la ville de Bujumbura. Début dans les provinces Makamba et Lumonge d'une campagne de signification des décisions rendues par la Commission nationale des terres et autres biens. Très avantageux, dit le porte-parole de cette commission. Investiture ce jeudi du président tanzanien John Pombe Magufuli. Le Burundi est représenté par le premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. La mise en onde de cette édition est assurée par François Akimanaro. Bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons en coopération pour débuter cette édition. Les sanctions prises en 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie contre le Burundi sont levées. Le communiqué de presse de ce mercredi de l'ambassadeur burundais en France après la 112e réunion ordinaire du Conseil permanent de la francophonie montre que la décision fait suite à la demande de levée de ces mesures restrictives soumises en juillet 2020. Ambassadeur Ernest Nyokindi, représentant le Burundi à Paris, trouve que cette décision devrait inspirer la communauté internationale afin de tourner la page à la crise de 2015. La suspension de la coopération bilatérale de l'OIF avec le Burundi a été décidée en avril 2016, avançant qu'aucune évolution n'avait été enregistrée en matière politique, sécuritaire et des droits de l'homme. Investiture ce jeudi à deux demain, jeudi 5 novembre, du président tanzanien John Pombe Magufuli, qui a récemment remporté le scrutin du mercredi 28 novembre à 84%. Le Burundi a été représenté par le premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Dans ces cérémonies d'investiture, trois chefs d'État ont fait le déplacement. Il s'agit du président ougandais, du zimbabwéen et des îles Comores. En page gouvernance, le ministre de l'Intérieur demande aux administratifs en mairie de Bujumbura d'être de vrais serviteurs du peuple. Dans une réunion avec les administrateurs communaux, les chefs de zone et des quartiers de la mairie de Bujumbura, le ministre Gervais Ndirakobucha leur a demandé de travailler de façon à protéger la population et surtout ne pas exiger des pots de vin pour rendre service à la population. On écoute Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministère burundais de l'Intérieur. Ces administratifs, la plupart sont de nouveau dans ces fonctions-là. C'était alors une prise de contact. C'était également l'occasion pour leur présenter l'objectif de l'État. Il est alors à signifier que l'État veut que ses responsables protègent la population sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau santé, au niveau alimentation, au niveau sécurité et au niveau salubrité. Également, il est là à signifier que l'État veut que ces administratifs municipaux changent de comportement parce que dans le passé, il s'est fait remarquer que c'était responsable, s'approprier ses fonctions comme des fonctions privées ou même il demandait des ponts de vin pour poser tel et autre acte administratif. Il a parlé de continuer à mettre en application les mesures prises par le ministère de la Santé et dans la prévention de la pandémie de COVID-19. Il a demandé de penser toujours à la salubrité des quartiers. Il a interpellé l'administration municipale à se conformer à la loi et aux règlements en vigueur pour résoudre telle ou telle autre question. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministre de l'Intérieur au micro de Ben Nyonguru. Je vous l'avais annoncé en titre, un nouveau modèle de cahier de ménage spécifique pour chaque zone urbaine et comportant un code non déchiffrable va être introduit bientôt pour renforcer la sécurité. Ceci a été annoncé hier, mercredi, par le maire de la ville de Bujumbura lors d'une réunion avec les administratifs de la commune urbaine de Mukaza. Il a également annoncé que les routes de la ville de Bujumbura vont être pavées avec Rohiro, la zone Rohiro, comme zone pilote, et un reportage signé Armel Moutore. Un nouveau modèle de cahier de ménage, comportant un code non déchiffrable par commune, va bientôt être introduit en vue de lutter contre les malfaiteurs et renforcer la sécurité en mairie de Bujumbura, comme l'indique le maire de la ville. En rapport avec cette sécurité, nous allons mettre sur place des cahiers de ménage. Les cahiers de ménage ne se ressemblent pas. Chaque commune aura son cahier de ménage, qui a des codes. Cela va nous permettre d'identifier tous les passagers qui viennent loger dans des familles différentes. Le commissaire de police Jimmy Hatungimana a également annoncé que les routes de la mairie de Bujumbura vont être pavées, en commençant par la zone Rohero en commune Mukaza. Une autre recommandation, celle de paver la zone de Rohero. Ça, nous avons pris comme zone pilote la zone de Rohero. Avec cette zone, nous allons essayer de voir si c'est possible que toutes les zones puissent être, disons, pavées. Ça, c'est vraiment important. Si la zone de Rohero réussisse, nous allons évoluer dans d'autres zones pour rendre la ville très attrayante. L'autre mesure prise et annoncée par le maire est que les marchés de produits et matériaux usagés ou volés qu'on retrouve à travers la ville de Bujumbura vont être fermés. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons droit de l'enfant. Le ministère ayant le droit de, les droits de la personne humaine dans ses attributions déplore la maltraitance de certains parents à leurs enfants. Le directeur du département Enfants et Familles au sein de ce ministère, la personne d'Ignace Nhaoumbarida, rappelle aux parents qu'ils ont une lourde responsabilité de défendre l'intérêt supérieur des enfants. Cette réaction intervient après qu'il y ait une femme du quartier Winerequa en zone urbaine de Guihosha qui a infligé des coups de bâton à l'enfant de son mari. Suivez. Je dois dire d'emblée que nous avons été frappés par les images que nous avons vues circuler au niveau de cette famille où une maman s'est donnée à frapper son enfant comme si c'était un serpent. Pour nous, c'est une occasion de rappeler la responsabilité des parents qu'ils doivent veiller au bien-être de l'enfant, qu'il doit veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas dans la maltraitance. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est veiller à son bien-être, avoir quoi manger, avoir des habits pour s'habiller, aller à l'école, donc préparer son avenir. On ne peut pas préparer l'avenir de l'enfant par des coups de bâton. Non, on ne peut pas préparer l'avenir de l'enfant en le traumatisant. Non, donc c'est une belle occasion de rappeler que les parents ont une lourde responsabilité qu'ils doivent assumer. Nous avons à ce sujet des centres résidentiels au niveau du ministère. Nous allons voir dans quel centre placer l'enfant en attendant l'aboutissement du dossier. Parce que ce qui est urgent, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant, c'est de protéger l'enfant. Lui faire oublier ces mauvais moments qu'il a vécu avec ses parents-là qui lui ont infligé des mauvais traitements. Donc c'est ce que nous allons faire. Je crois que ça sont des cas isolés. Mais nous aimerions que tout le monde se préoccupe de l'enfant, tout le monde se préoccupe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ces cas isolés, nous allons continuer à travailler là-dessus en donnant les conseils qu'il faut, en donnant les formations qu'il faut pour que tout le monde comprenne que l'intérêt de l'enfant, ça doit être la préoccupation de tout un chacun. Parlons transport. À présent, les habitants de la ville de Bujumbura qui exercent leurs activités au centre-ville disent qu'ils font face au manque criant de bus de transport. Ceux à qui la radio Isanganiro a tendu le micro indique que cette situation s'observe surtout à la tombée de la journée. Ils ajoutent que l'exiguïté de la voirie urbaine est un autre défi pour le transport en commun dans les rues de la capitale économique Bujumbura. Ils évoquent également le fait que des bus longs châssis qui garaient tout près de l'ex-marché central ne sont plus disponibles. Le point avec Omer Ndouayo. Ces personnes qui se disent fatiguées sont celles rencontrées au parking de bus effectuant le transport dans la ville de Bujumbura. Elles se plaignent de la difficulté de se déplacer vers les heures de la tombée de la nuit. Avant c'était le traco, maintenant je ne le vois plus. C'est peut-être le travail qui n'est pas bien réaménagé. Pour le voir les heures de travail, c'est presque les mêmes. Pour moi, je vois que le défi qui est là, c'est qui concerne les autoroutes qui manquent parce que on ne peut pas dire que les coasters ou les bus manquent parce que si on essaie de regarder pendant la journée les bus ou les coasters, vous verrez beaucoup. Mais le soir, il manque des bus pour le transport de la population en ville de Bujumbura. Alors, qu'est-ce qui cause? La première cause, c'est le manque des autoroutes. Alors qu'il y ait un gros trafic. Voulant savoir où sont passés les bus spacieux qui avaient été disponibilisés pour pallier le problème, certains commerçants qui exercent leurs activités tout près m'ont répondu que les bus transportant les personnes vers le sud de la ville sont encore en activité, mais que ceux effectuant le trajet vers le nord de la capitale ne le font plus. Pour certaines des personnes sur place, la solution serait de multiplier les bus de transport et d'autres pensent qu'il faudrait plutôt construire d'autres routes pour alléger le trafic routier. Pour lutter contre ces défis, il faut le traçage des routes, soit des autoroutes, soit des routes qui passent à l'heure. S'il le faut, réorganiser le travail de façon qu'il y ait des groupes qui terminent le travail à midi, l'autre commence pour terminer les heures avancées, ou bien augmenter les moyens de transport. Pour réorganiser l'office de transport au Traco pour qu'il reprenne le rythme normal et les heures de fin du travail pour qu'on augmente les bus. Il faut amener des bus qui vont transporter beaucoup de personnes. Comme nous l'avons constaté à notre passage, les bureaux de vente de tickets de l'agence Memento en face de la poste centrale étaient déserts. Mais celui qui est tout près du parking de bus vers le sud, même s'il était fermé, semble toujours occupé et en activité. Omer Ndouaye, ces difficultés de déplacement s'observent à la tombée de la nuit et non de la journée comme je l'annonçais tantôt. Parlons médias à présent. Et désormais considéré comme journaliste tout détenteur de la carte de presse délivrée par le Conseil national de la communication CNC, à partir de ce jeudi, l'annonce du président de ce conseil, Nestor Bangumukunzi, qui fait savoir que le cas contraire sera justifié par un document attestant que le concerné est reconnu par cet organe. Les détails avec Aimé Richard Niyonkuru. C'est le président du Conseil national de la communication, Nestor Bangumukunzi, qui fait savoir que désormais il sera considéré comme journaliste. Seul le détenteur de la carte de presse délivrée par cet organe. Au cas contraire, le concerné devra avoir un document attestant qu'il est reconnu par le Conseil national de la communication. Nous profitons de cette occasion pour dire solennellement que seuls les détenteurs de cette carte de presse ou ceux qui ont une attestation de perte qui tient lieu de carte de presse, on avait constaté qu'il y a eu des problèmes pour pouvoir octroyer de ces cartes à tout le monde, mais après avoir attendu une année, et nous estimons que cette période est assez suffisante pour pouvoir permettre à tout le monde de s'en procurer. Toutefois, cet organe reconnaît qu'il y a eu un problème quant à la conception et l'octroi de cette carte, mais Nestor Bangumukunzi trouve le moment opportun. Le conseil a longtemps délibéré, explique-t-il. Le problème qui s'est posé est de deux ordres. D'abord, nous avons constaté que la personne qui avait été désignée par les responsables des médias pour confectionner ces cartes n'a pas été à la hauteur de sa mission et à partir de ce constat, le CNC a encore une fois réuni les responsables des médias pour leur demander de bien vouloir identifier quelqu'un d'autre ou une autre société qui soit plus outillée pour pouvoir accomplir ce travail. Cela a été fait et désormais la société qui a été recrutée par une commission mise en place par les responsables des médias s'avère jusqu'à aujourd'hui à la hauteur de ce travail. Le problème principal qui se pose, c'est le manque de volonté constaté malheureusement chez des journalistes ou pourquoi pas des responsables des médias à pouvoir compléter leur dossier en vue de l'obtention de cette carte. L'annonce de cette mesure par Nestor Bangumukunzi, le président du Conseil national de la communication, a été faite le matin de ce jeudi lors de l'ouverture d'une session ordinaire des membres de cet organe pour évaluer ses réalisations trimestrielles pendant deux jours. Parmi les points figurant sur l'agenda, la régulation des réseaux sociaux occupe la tête de liste. Le président du Conseil national de la communication, CNC, de préciser également que plus de 280 organes de presse sur toute l'étendue du pays ont été enregistrés par le Conseil national de la communication. Aimé Richard Niyonkuru, dans les nouvelles des provinces, ne pas retirer les décisions prises par la Commission nationale des terrains et autres biens CNTB, par les partis surtout qui n'ont pas gagné les procès télé, la raison qui a fait que cette commission procède à une campagne de signification des décisions rendues par cette commission dans les provinces Makamba et Rumonge, qui engrangent beaucoup de litiges. Le porte-parole de cette commission l'a annoncé l'après-midi de ce mercredi dans un point de presse à Makamba. De Donembo Nima explique qu'il y aura un avantage dans la mise en exécution de ces décisions, vu que la plupart des dossiers non récupérés entravent les activités de la CNTB. Les détails avec Jérôme Hakizimana. Il s'est affiché à mauvais comportement dénoncé dans les provinces de Makamba et Rumonge, où il y a une résistance de retirer ou récupérer les décisions prises par la Commission nationale des terres et autres biens par les partis qui n'ont pas gagné les procès, raison pour laquelle cette commission procède à une campagne de signification à domicile pour pallier à ce défi, comme l'indique le porte-parole de cette dernière. Et la CNTB, aujourd'hui, fait une campagne de signification à domicile pour distribuer ces décisions prises aux partis. C'est un comportement à dénoncer ou à bannir parce que c'est une façon de faire obstruction aux activités de la Commission nationale des terres et autres biens. Dans cette logique, Dieudonné Mbonima explique que si les partis ne se présentent pas, le chef de colline signe à leur place, les récupère et les leur remet après. Le chef de secteur signe à leur place si les partis ne se présentent pas. On va commencer à compter les délais d'appel à partir de la date de signification. Passé ce délai, on va procéder à l'exécution de la décision prise. Les crises qui ont émaillé le pays, la fertilité du sol de ces deux provinces serait certain des facteurs de ce surnombre et de litiges, comme l'explique Mbonima. L'aspect lac et aussi les palmiers qui sont rentables, mais aussi la terre de ces deux provinces est fertile. Et il y a aussi les crises qui ont émaillé le Burundi et la population a fui. Cette fuite a entraîné à ce que les gens viennent récupérer des terres. Ils ont occupé les terres qui disent fertiles, qui ne sont pas difficiles à cultiver pour y installer. La province Makamba compte 902 dossiers déjà traités, mais non encore retirés par les partis. Au moins où Rumonge compte 150. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme Hakizimana. Revenons à Mairie de Bujumbura. Les recettes au marché de Kinindo ont diminué, passant de 6 millions à 3 millions de francs burundais selon le responsable de ce marché, et c'est depuis sa réhabilitation. Le point avec Jean-Marie Mayong. Parmi les marchés réhabilités en mairie de Bujumbura visités, nous avons commencé par celui de Kinindo. Le commissaire de ce marché, Jean-Paul Namvukiye, nous a dit que les recettes ont diminué, passant de 6 000 à 3 millions de nos francs par mois. Il explique que la diminution des recettes est due aux anciens commerçants qui exerçaient leur commerce dans ce marché. Aujourd'hui, se trouve ailleurs. Auparavant, nous avons par mois au moins 6 millions ou 7 millions. Mais pour le moment, c'était difficile d'avoir au moins 3 millions parce que nous avons beau peu de commerçants. Il y a peu de places qui sont fonctionnaires. D'autres places sont fermées. Mais il y a des commerçants qui n'ont, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas construit les emplacements. Il n'y a pas amélioration parce qu'il y a des commerçants qui ne sont pas encore venus. Il demande à ces commerçants de retourner dans ce marché pour occuper leur place, car jusqu'à aujourd'hui, le marché a des places inoccupées. Nous avons demandé que les commerçants qui se trouvent ailleurs, qu'on va faire tous les forces pour qu'ils regagnent les places. D'autres que nous avons demandé que les bus de la direction Makamba, Rumonge, Rutana viennent ici au marché de Kinindo. Après le marché de Kinindo, nous nous sommes dirigés vers le marché de Musaga, qui est parmi les marchés réhabilités en mairie de Bujumbura. Le commissaire de ce marché, Magnus Nyokindi, nous a dit que la situation des recettes collectées a connu une augmentation depuis sa réhabilitation. Toutefois, il a refusé de nous préciser ces chiffres. Jean-Marie Mayonga, en international, avant de clore cette édition, on parle toujours élection présidentielle aux États-Unis. Eh bien, une poignée d'États américains tient le reste du monde en haleine ce jeudi 5 novembre, soit près de 48 heures après le jour de l'élection. On ne connaît toujours pas le nom du 46e président des États-Unis. Six États sont encore en train de procéder au décompte des votes par correspondance, alors que le scrutin est extrêmement serré. Comme le montre une carte interactive des résultats, Donald Trump a remporté 23 États, dont 4 États clés, notamment la Floride et l'Ohio. Mais Joe Biden se trouve plus proche de la victoire avec 264 voix, tandis que Donald Trump compte 214 voix dans des grands électeurs. On rappelle que pour occuper la Maison-Blanche, il faut 270 grands électeurs. Mais pour le moment, comme le montre France 24, eh bien, l'actuel président Donald Trump multiplie les recours juridiques pour arrêter le décompte des voix. Voilà, 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce jeudi 5 novembre. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde. Un excellent après-midi. À tous et à tous, au revoir.